On a des amis, et puis aussi on a des loisirs, la musique évidemment, la danse, le bricolage, le jardinage. Ah, jardinage justement, parlons-en. Moi j'ai toujours été un piètre jardinier, mais ça fait que depuis quelques mois que grâce à quelques amis qui sont là dans cette salle, je me suis un peu intéressé au jardinage, mais un tout petit peu. Hein. C'est vraiment naissant, hein. C'est pas grand-chose. Grâce à Catherine aussi, qui m'a aidé à m'intéresser au jardinage. Mais avant ça, j'étais très rétif. Voilà le genre de chanson que j'étais capable d'écrire. Pourquoi raconter des salades? Pourquoi raconter des salades? Je suis un jardinier à la noix. Je suis un jardinier à la noix. Gratter la terre me rend malade. Gratter la terre me rend malade. Abîmé rarement on me voit. Abîmé rarement on me voit. Il y en a qu'on applaudit. Il y en a qu'on applaudit. Les grosses légumes ça épate. Mais celui qui n'a pas un radis, il en a gros sur la patate. Jardiner, ça n'est pas pour moi. Ah, ça c'est pas répété. Jardiner, ça n'est pas pour moi. Aux végétaux, j'ai jamais rien compris. Moi, à l'ignorant qui est toujours pris. Les seins de glace pour des nichons froids. Oh, vous les jardiniers en herbe, si vous voulez me mettre à l'aise, gardez pour vous votre superbe. Ne ramenez pas votre fraise. Pour les plantes contre les limaces, pour les plantes contre les limaces, les conseils et les opinions, les conseils et les opinions, je n'en ai cure, je m'en passe, je n'en ai cure, je m'en passe. Occupez-vous de vos oignons, occupez-vous de vos oignons. Jardiner, ça n'est pas pour moi. Aux végétaux, j'ai jamais rien compris. Moi l'ignorant qui est toujours pris, les seins de glace pour des nichons froids. Si le jardin vous donne la pêche, si le jardin vous donne la pêche, moi il me rendrait plutôt fou. Moi, il me rendrait plutôt fou. Vous êtes très habile en bêche. Vous êtes très habile en bêche. Mais moi là où me prend le chou. Vous faites preuve de constance, vous faites preuve de constance, observant le temps et la lune, observant le temps et la lune. Moi je trépigne d'impatience, moi je trépigne d'impatience. J'aime pas poireauter pour des brunes, jardiner ça n'est pas pour moi. Aux végétaux, j'ai jamais rien compris. Moi, l'ignorant qui est toujours pris. Les seins de glace pour des nichons froids. Après tout, qui sait, chose étrange. Il est possible qu'on jardine. Dans ce potager où l'on mange. Les pissenlits par la racine. Les pissenlits par la racine. Pas bêcheur, j'irai aussitôt. Pas bêcheur, j'irai aussitôt. Consultez le pauvre Martin. Consultez le pauvre Martin. Il m'apprendra comment là-haut. Il m'apprendra comment là-haut. Cultiver mon dernier jardin. Jardiner, ça n'est pas pour moi. Aux végétaux, t'as jamais rien compris. Moi, l'ignorant qui est surpris. Les seins de glace pour des nichons froids. Les seins de glace pour des nichons froids.